La société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La société sylvicole est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-8080. Elle est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. On va parler de hockey. Autre annonce qui était attendue par l'équipe des Aigles de Roberval, c'est la confirmation qu'il y aurait une équipe cadet en deuxième division. Ils ont eu une bonne nouvelle, ils ont eu la confirmation aujourd'hui. On en parle avec celui qui est en charge de monter le programme, Simon Gaudreau. Salut Simon. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien. Simon, effectivement, donc, cadet deuxième division. Ça, c'était une nouvelle, vous attendez ça ça fait une couple de semaines que vous attendez la nouvelle, hein? Oui, on attend la nouvelle depuis quelques semaines. Il y avait beaucoup de rencontres avec le RSEQ et Hockey Québec là, pour la mise en échec. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on a eu le juvénile avant le cadet. Là. Donc, c'est un cadet deuxième division avec mise en échec. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'il y a eu un petit délai là, sur les réponses là, des accréditations d'équipe là, pour les différents programmes. Ça te fait pas mal d'ouvrages, trois équipes à montrer. Là, c'est tout, tu pars de tout, là. Oui, on commence la base, là. On est tout est prêt. On attendait juste vraiment l'obtention de l'équipe. Les lettres sont parties. On envoie la publicité pour le camp d'entraînement. Là, on va déjà être sur la glace pour les trois équipes là, dès lundi prochain. Donc, okay. Les invitations sont lancées, on prend les inscriptions, puis ça va bon train. Tu t'attends comme un joueur pour lundi? Je vous dirais, c'est embêtant, ça dépend de la réponse des gens. Je m'attends peut-être à une quarantaine de jeunes là pour le début de la semaine prochaine. Okay. En cadet. OK. Donc ça, c'est ça part de toute la c'est tout le comté Roberval, en fait. Là. Tu vas pas chercher des joueurs à Chicoutimi, tu vas pas chercher des joueurs à Alma, c'est tout le comté Roberval, c'est ça? C'est tout le comté, c'est Roberval, Dolbo et les environs, oui, Chibougamau. Donc, c'est vraiment toute la commission scolaire Pays Bleuets. C'est une organisation là, vraiment de la commission scolaire. Fait que tout ce qui touche à la commission scolaire Pays Bleuets peut venir à notre camp. C'est sûr qu'il va y avoir probablement quelques jeunes d'Alma peut-être qui ont été coupés, ouais. Mais qui ont été coupés en cadet division 1. Mais ça, c'est libre à eux rendu là. Mais nous, c'est vraiment c'est un offre de service là, pour notre commission scolaire. OK. Parle-moi de cette ligue-là, cadet division 2. Il y a combien d'équipes dans cette ligue-là? Pour ce qui est du cadet et du juvénile division 2, les formules de compétition ne sont pas encore sorties. Okay. Donc, on parle là, d'environ entre 28 et 32 matchs, ou 26 et 32 matchs de saison régulière plus série, okay. avec des tournois. OK, donc, en gros, ça ressemble à ça. OK. Les autres camps d'entraînement, le cadet, tu m'as dit que ça va commencer. Les autres camps, tu vas être sur la glace ailleurs pour à quel moment? Pour les autres, Benjamin? Tout va s'enchaîner. Lundi, on va embarquer sur la glace, okay. Avec les Benjamin. Quand les Benjamin vont avoir terminé, on va embarquer avec le juvénile. Mardi, ben là, ça va être l'entrée en scène là, du cadet. Donc, on va pratiquer avec le Benjamin. Après l'heure de pratique, ça va être le cadet. Et ensuite, ça va être le juvénile, ainsi de suite. Donc, ça va être des soirées un peu longues, dans le sens que on va embarquer avec toutes les équipes. Donc, le camp va être tout en même temps. OK. Simon, si on parlait maintenant du côté des entraîneurs, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu t'avais donné juin comme date avant pour annoncer tes entraîneurs. Est-ce que tu as eu des CV? Est-ce que là-dessus tu as travaillé? Ça avance-tu de ce côté-là aussi? Oui, on avance, on rencontre des gens, on veut faire les choses de la bonne façon. Les délais sont respectés. On parle encore de juin. Donc là, présentement, on est début mai, donc on a nos camps d'entraînement. Puis une fois que les camps d'entraînement vont être terminés, là, on va regarder ça de plus près, c'est sûr. Et on laisse aller nos camps d'entraînement, c'est sûr. OK. Simon, est-ce que vous allez travailler? C'est peut-être pas ton ressort, là, mais je trouve ça le fun. Un sentiment d'appartenance. C'est peut-être plus Jonathan Lambert qui va travailler là-dessus pour que l'école, que ça soit vraiment l'équipe de l'école, puis que les jeunes encourage les aigles. Je sais pas si tu me suis là-dessus. Un peu comme ils se font au collégial, là, que c'est l'équipe de l'école. Là. Et créer ce sentiment-là. Ouais. Ce n'est pas que Jonathan Lambert ou que Simon Gaudreau. C'est vraiment toute l'équipe école. On travaille là-dessus. tu sais, on trouve ça vraiment important. On a fait faire des t-shirts pour les jeunes. Quand les jeunes vont arriver au camp d'entraînement lundi, ils vont avoir chacun un t-shirt avec le logo, nos valeurs, pour justement créer un sentiment d'appartenance. Quelque chose qui est très, très important pour nous. Puis, tu sais, au 5-1, là, quand je travaillais là, le sentiment d'appartenance était très, très, très fort. C'est quelque chose que je veux ramener là, dans la nouvelle organisation à Robertval. Okay. Donc, ça, c'est sûr et certain. Puis même si les jeunes ne font pas l'équipe, ben, on veut qu'ils soient attachés à nous. Puis, c'est une façon de faire qu'on va recréer. OK. Ben, Simon, on va s'en reparler la semaine prochaine pour savoir un peu comment accéder sur la glace. Fait que, bon début de camp d'entraînement. Si jamais il y a des gens qui veulent plus d'informations, ils peuvent me rejoindre 418-812-1473 ou encore, là, ils peuvent s'inscrire sur la... par courriel au Godreau-ci à commercial cspibleuet.qc.ca. OK. Donc, on se reparle bientôt, Simon. Merci beaucoup. L'instructeur-chef Simon Godreau des Aigles de Robert.